Section 20. Chapitre 20. Confidence. Je n'essaierai pas de raconter la réunion de Madame March et de ses filles. Des heures semblables sont belles à vivre, mais très difficiles à décrire. Ainsi, je laisserai à l'imagination de mes lecteurs et de mes lectrices de se représenter la rentrée de cette mère dans sa maison. Je dirai seulement qu'il avait suffi d'une heure pour que la tristesse qu'il avait remplie se fût changée en bonheur. L'espérance de Meg s'était réalisée, car lorsque Bess était sortie de son long sommeil, sa vue s'était portée tout d'abord sur sa mère et sur la petite rose de son rosier. L'enfant était trop faible pour s'étonner de rien. Elle sourit en retenant sa mère sur son cœur quand elle se pencha sur elle pour l'embrasser. Elle sentit vaguement que son plus grand désir était enfin satisfait, et elle se rendormit en gardant tendrement la main de Madame March dans la sienne. Les deux sœurs furent obligées de donner la béquée à leur mère, qui ne voulait pas retirer sa main à Bess de peur d'interrompre son sommeil. Elles lui servirent le déjeuner le plus magnifique du monde. Anna avait trouvé impossible de ne pas manifester sa joie de cette manière. Leur mère leur raconta, à voix basse, l'état de leur père. La promesse que M. Brooke avait faite de rester aussi longtemps qu'il aurait besoin de ses soins. Les retards qu'une très violente bourrasque de neige avait apportés à son voyage, et l'inexprimable soulagement que la vue de la figure de Laurie lui avait donné quand elle était arrivée, harassée de fatigue, d'anxiété et de froid. Combien la journée paraissait agréable et nouvelle aux habitants de la maison March. À l'extérieur, tout était gai et bruyant. Tout le monde célébrait la fête de la première neige. Mais, au-dedans, quel calme! Tous les habitants, épuisés par les dernières veilles, dormaient encore profondément pendant que Anna montait la garde à la porte. Meg et Joe fermèrent leurs yeux fatigués avec le sentiment d'un allègement inespéré au fardeau de leur peine. Elles se reposèrent comme des barques battues par l'orage qui viennent enfin de trouver un abri sûr dans une baie tranquille. Madame March ne voulut pas quitter sa Bess d'une minute. Elle dormit dans le grand fauteuil, s'éveillant souvent pour regarder sa fille comme un avare qui a retrouvé son trésor. Pendant ce temps, Laurie fut envoyée à Amy, et il lui parla si bien que tante March eut une larme dans les yeux et ne gronda pas une seule fois. Amy se montra forte dans sa grande joie. Évidemment, les bonnes pensées de sa petite retraite commençaient déjà à porter ses fruits. Elle sécha vite ses larmes, ne montra pas son impatience de voir sa mère et ne pensa pas une seule fois à la bague. Quand Laurie, ayant trouvé qu'elle se conduisait comme une brave petite femme, la tante March répondit qu'elle était tout à fait de son avis. Polly même semblait impressionnée et il lui dit « Dieu vous bénisse » de son ton le plus affable. Amy serait très volontiers sortie pour jouir du beau temps d'hiver, mais devinant que Laurie mourait de sommeil malgré les efforts héroïques qu'il faisait pour le cacher, elle l'engagea à se reposer sur le sofa pendant qu'elle allait écrire à sa mère. Elle resta longtemps et quand elle revint, elle trouva son jeune ami dormant encore d'un sommeil réparateur. Tante March avait eu un accès extraordinaire d'amabilité. Elle avait baissé les rideaux afin de mieux le laisser reposer. Au bout de quelque temps, elles commencèrent à penser que Laurie dormirait jusqu'au soir, et je ne suis pas bien sûre que cela ne fût pas arrivé s'il n'eût été réveillé par un cri de joie qu'Amy poussa en voyant entrer sa mère. Il y avait probablement au monde beaucoup de petites filles heureuses ce jour-là. Mais mon opinion particulière est qu'Amy était la plus heureuse de toutes. Lorsque, assise sur les genoux de sa mère, elle raconta ses peines et reçut des consolations et des compensations sous forme de sourires et de caresses. Elle conduisit sa mère dans sa petite retraite et lui expliqua son but en lui demandant si elle n'avait pas d'objection à y faire. « Au contraire, j'aime beaucoup votre idée, chérie, » dit Madame March en examinant le petit livre de prière à la couverture usée et le beau tableau entouré d'une guirlande de houx. « C'est une excellente idée que d'avoir un endroit dans lequel on puisse se réfugier lorsqu'on est affligé. Il y a bien des moments difficiles dans la vie, mais nous pouvons toujours les rendre supportables si nous cherchons de l'aide du bon côté. Je pense que ma petite amie commence à l'apprendre. » « Oui, mère, et j'ai l'ambition, lorsque je reviendrai, d'arranger un petit coin du grand cabinet et d'y mettre mes livres et la copie que j'ai essayé de faire de ce tableau. La figure de la mère n'est pas réussie, Elle est trop belle pour que je puisse la copier convenablement, mais l'enfant est mieux et je l'aime beaucoup. » Comme Amy montrait du doigt l'enfant Jésus souriant sur les genoux de sa mère, Madame March vit sur la main levée quelque chose qui la fit sourire. Elle ne dit rien cependant, mais Amy comprit son sourire et dit gravement, au bout d'une minute de silence, « Je voulais vous en parler, mais j'ai oublié. Tante m'a donné aujourd'hui cette bague. Elle m'a appelée vers elle, m'a embrassée et me l'a passée au doigt, en me disant qu'elle m'aimait beaucoup et qu'elle désirerait me garder toujours. Elle a mis de la soie autour pour la faire tenir parce qu'elle est trop grande. Puis-je la mettre, mère ?»« Elle est très jolie, mais je vous trouve un peu jeune pour des ornements semblables, Amy, » dit Madame March, en regardant la petite main qui portait au doigt du milieu une grosse bague formée d'une rangée de turquoise. « J'essaierai de ne pas en être orgueilleuse, » reprit Amy. « Je ne crois pas que je l'aime seulement à cause de sa beauté, mais aussi parce que je voudrais la mettre comme la petite fille de l'histoire mettait son bracelet, pour me rappeler. « Tante March ?» demanda sa mère en riant. « Non, pour me rappeler de ne pas être égoïste. » Amy paraissait si sérieuse que sa mère cessa de rire et écouta respectueusement son petit projet. « J'ai beaucoup pensé dernièrement à mes défauts, et j'ai trouvé que l'égoïsme en forme la plus grosse part. Aussi, je vais faire tous mes efforts pour m'en corriger, si je peux. Bess n'est pas égoïste, et c'est pourquoi tout le monde l'aime, et a eu tant de chagrin à la pensée de la perdre. On n'aurait pas la moitié autant de chagrin pour moi si j'étais malade, et je ne le mérite pas non plus. Mais, comme je voudrais être aimée et regrettée, je vais tâcher de faire comme Bess. J'oublie facilement mes résolutions, mais si j'avais toujours quelque chose sur moi pour me rappeler celle-ci, il me semble que j'avancerais plus. Puis-je essayer de cette manière ? Oui, mais j'ai plus de confiance dans la retraite du grand cabinet. Gardez votre bague, chérie, et faites tous vos efforts. Je pense que vous réussirez, car le désir sincère d'être bonne est la moitié du succès. Ne vous découragez pas, petite amie. Nous vous reprendrons bientôt à la maison. Vos sœurs seront si heureuses de vous revoir. Le soir de ce jour-là, quand Meg écrivit à son père pour lui annoncer l'heureuse arrivée de sa mère, Jo se glissa dans la chambre de Bess et, trouvant sa mère dans sa position habituelle, resta à tortiller ses cheveux d'un air troublé et indécis. « Qu'est-ce que c'est, cher Jo ? » demanda Madame March en lui tendant la main d'un air qui invitait aux confidences. « Je veux vous dire quelque chose, mère. À propos de Meg ? » ?»« Comme vous devinez vite. Oui, c'est sur elle, et quoique ce ne soit pas grand-chose, cela me trouble. » Bess est endormie. Parlez bas et racontez-moi tout. Jo s'assit sur le parquet, au pied de sa mère. « L'été dernier, dit-elle, Meg a laissé une paire de gants chez M. Lawrence, et on ne lui en a rendu qu'un. Nous avions complètement oublié ce gant perdu lorsque Laurie m'a dit l'autre jour que M. Brooke l'avait. Il le garde dans la poche de son habit et l'a laissé tomber une fois. Laurie l'a vu, et M. Brooke ne lui a pas caché que Meg lui plaisait. Il a sans doute ajouté qu'elle était si jeune et lui si pauvre qu'il n'oserait jamais le déclarer. Mais c'est égal, c'est terrible. » Décidément, Jo ne pouvait pas se mettre dans la tête que Meg elle-même et ses sœurs seraient jamais en âge de se marier, et que cela pourrait bien leur arriver comme à tant d'autres. « Pensez-vous donc que Meg ait remarqué M. Brooke plus que tout autre ?» demanda Madame March. « Miséricorde, je ne connais rien à toutes ces bêtises-là, » s'écria Jo avec un mélange d'intérêt et de mépris. « Dans les romans que j'ai lus chez ma tante, les jeunes filles tressaillent, rougissent, s'évanouissent, maigrissent et agissent comme des folles. Maintenant, Meg ne fait rien de tout cela. Elle mange, boit et dort comme une personne raisonnable. Elle me regarde en face quand je parle de notre ami M. Brooke et rougit seulement un peu quand Laurie fait des plaisanteries. Je le lui défends bien, mais il ne m'écoute pas toujours comme il le devrait. Laurie me donne quelquefois bien du mal. Cependant, on prétend que je suis la seule qui puisse venir à bout de lui quand il est pris par ses entêtements. » Madame March sourit de cet incident dans la conversation de Jo, mais, la ramenant au sujet principal, « Alors vous imaginez que Meg ne s'intéresse pas à John ?»« À qui ?» demanda Jo en regardant sa mère avec étonnement. « Monsieur Brooke, votre père et moi l'appelons John, maintenant, comme nous avons fini par dire ici Laurie, tout court, pour répondre au dévouement qu'il nous montrait. » Nous en avons pris l'habitude à Washington, au chevet de votre père, qu'il ne quittait guère, le brave jeune homme. « Oh mon Dieu, vous allez prendre son parti ? il a été très bien pour père, et je le sais. À cause de cela, vous ne le renverrez pas. Vous le laisserez épouser Meg si elle y consent. Que c'est mal à lui d'être allé près de papa pour vous forcer à l'aimer. » Jo se passa la main dans les cheveux d'un air désespéré. « Ne vous troublez pas, ma chérie. Tout cela est une suite naturelle des circonstances où nous nous sommes trouvés. Monsieur Brooke est, vous le savez, venu avec moi à la demande de Monsieur Lorenz. Il a été si parfait pour votre pauvre père que nous n'avons pu nous empêcher d'en être touchés et de beaucoup l'aimer. Ma pauvre Jo, si vous l'aviez vu veiller nuit et jour, votre père mourant, admirable de soins et d'une bonté qui ne se dément jamais, vous l'auriez aimé plus que nous, car ce qui est bien vous touche peut-être encore plus vivement. Il a été, en ce qui concerne Meg, très honorable et très sincère. Il nous a dit qu'il serait bien heureux de pouvoir un jour devenir notre fils, mais qu'il voulait être sûr de pouvoir offrir à sa compagne une existence exempte de soucis avant de lui demander de l'épouser. Il veut seulement que nous lui permettions de travailler pour Meg et de tâcher de se rendre digne de son affection. C'est un jeune homme véritablement excellent, d'un grand cœur et d'un grand sens. Il eût été dur et il n'eût pas été sage de lui fermer l'avenir. Mais il comprend à merveille que Meg est encore trop jeune pour que nous lui permettions de s'engager. « Certes, ce serait le comble de la déraison !» s'écria Jo. « Tenez, mère, je savais qu'il y avait pour moi une nouvelle épreuve sous cloche. Je le sentais, et maintenant c'est pire que je ne pensais. Je voudrais pouvoir moi-même épouser Meg et la conserver ainsi à sa famille. » Cet arrangement bizarre arracha un sourire à Madame March, mais elle dit gravement « Jo, j'ai confiance en vous, et je désire que ceci reste absolument entre nous. Lorsque John reviendra, je pourrai juger des dispositions de votre sœur à son égard. Elle finira par deviner les siennes, et alors ce sera fini d'elle. Elle a un cœur tellement tendre que, si votre nouvel ami la regarde comme il est capable de le faire, le cœur de Meg se fondra comme du beurre au soleil. Elle relisait les billets qu'il envoyait aussi souvent que vos lettres, et me pinçait lorsque je le lui faisais remarquer. Un autre que Brooke eût fait ce qu'il a fait pour père, que cela ne l'aurait pas autant touché. Croiriez-vous, mère, qu'elle ne trouve pas que Brooke soit un vilain nom? Ah, tenez, elle va penser bientôt à nous quitter, et ce sera fini de notre paix et de notre bonheur. Je le vois bien, Meg sera absorbée et ne sera plus bonne à rien. Brooke ira chercher fortune quelque part et viendra un beau jour pour emmener notre Meg et faire un vide affreux dans la famille. Mon cœur sera brisé et tout me paraîtra abominablement détestable. Oh mon Dieu, pourquoi ne sommes-nous pas toutes des garçons? Il n'y aurait pas de sots ennuis de ce genre à redouter. Jo appuya son menton sur ses genoux de l'air d'une personne qui n'a plus rien à attendre de ce monde et montra le poing à l'invisible John auquel elle pensait. Madame March soupira, et tout de suite Jo, qui avait remarqué ce soupir, releva la tête d'un air de soulagement. « Cela ne vous plaît pas non plus, mère, de penser que Meg pourrait un jour nous quitter? Oh, que je suis contente! Renvoyez ce monsieur à ses affaires, et ne dites rien à Meg, afin que nous soyons toutes heureuses, comme autrefois. » J'ai eu tort de soupirer, Jo. Il est très naturel que vous ayez toutes un jour un intérieur à vous. Mais je voudrais garder mes filles le plus longtemps possible, et je suis fâchée que cette question se soit présentée si tôt, car Meg a à peine 17 ans, et quelques années devront s'écouler avant que John puisse lui construire un foyer. Votre père et moi avons décidé qu'elle ne s'engagerait d'aucune façon, et ne se marierait pas avant d'avoir 20 ans. Si elle et John s'aiment, ils auront le temps d'éprouver leur affection. Laissez-moi espérer, Jo, que Meg méritera d'être heureuse. Mais « n'aimeriez-vous pas mieux qu'elle fît un riche mariage ?» demanda Jo, qui avait remarqué que la voix de sa mère tremblait un peu. « Meg aime tant les choses élégantes. »« L'argent est une chose bonne et utile, Jo, et j'espère que mes enfants n'en sentiront jamais trop amèrement la privation. J'aimerais à savoir John employé dans quelque bonne affaire, qui puisse lui donner un revenu suffisant pour que Meg soit à son aise. Mais je n'ambitionne pas pour mes filles une grande fortune. » Une position mondaine et un grand nom. Si le rang et l'argent peuvent se rencontrer pour l'une ou l'autre de vous avec toutes les conditions morales qui peuvent assurer le bonheur, je les accepterai avec reconnaissance et serai enchanté de votre bonne fortune. Mais je ne sais, par expérience, combien on peut être heureux dans une maison simple et petite, où l'on gagne le pain quotidien, où quelques privations donnent de la douceur au plaisir. Je suis contente de voir Meg commencer humblement, car si je ne me trompe, elle serait, le cas échéant, en devenant la femme de M. Brooke, riche par la possession du cœur d'un homme intelligent, bon et sage, ce qui est moins fragile que la fortune. Je comprends, mère, et je suis tout à fait de votre avis. Mais Meg m'a toute désappointée, car j'aurais voulu qu'elle épousât Laurie plus tard et qu'elle passât ses jours dans le luxe. Ne serait-ce pas mieux? C'était mon rêve pour elle. Votre rêve n'est pas réalisable, Jo. Laurie est plus jeune que Meg. Oh, cela ne fait rien, interrompit Jo. Il est grand et avancé en tout pour son âge. Il a déjà un peu de barbe, et quand il le veut, il peut avoir des manières de grand garçon. Puis il est riche, généreux, bon et instruit. Il nous aime tous, et je dis que c'est dommage que mon plan soit détruit. Je craindrais en outre, dit Madame March, qu'un homme du caractère de Laurie, qui pourtant a de grandes qualités, ne fût pas toujours assez sérieux pour Meg. Laurie est trop changeant encore pour que, tant que l'âge ne l'aura pas mûri, on puisse faire tout à fait fond sur lui. Je ne parle pas pour Meg, mais en général, car quant à Meg, la question d'âge est un obstacle sérieux, ma petite. Ne faites donc pas de plan, Jo. Laissez le temps et leur propre cœur marier vos amis. Ne vous mêlez pas de choses semblables, et éloignez de votre esprit tout projet romanesque pour d'autres et, au besoin, pour vous-même. Vous avez raison, mère, je ne le ferai plus. Mais je déteste voir les choses aller de travers quand un petit coup par-ci et par-là les arrangerait si bien. Je voudrais qu'on puisse porter des plaques de fer sur sa tête pour s'empêcher de grandir. Mais les boutons veulent devenir des roses et les poussins des poulets. Qu'est-ce que vous dites de plaques de fer et de poulets ? Demanda Meg en entrant dans la chambre, sa lettre finie à la main. Je ne le sais seulement plus, répondit Jo. Venez, Maggie, je vais me coucher. C'est très bien et parfaitement écrit. Voulez-vous ajouter que j'envoie mes amitiés à M. Brooke, à John, dit Madame March, en jetant un coup d'œil sur la lettre de Meg et la lui rendant. L'appelez-vous John ? Demanda Meg en souriant et regardant innocemment sa mère. Oui, il a été pour nous comme un fils et nous l'aimons beaucoup, dit Madame March en lui jetant sans affectation un coup d'œil scrutateur. J'en suis contente, il est si seul au monde. Cela doit lui être doux. Bonsoir, chère mère. Il m'est impossible de vous dire combien c'est fortifiant de vous sentir ici, répondit tranquillement Meg. Le baiser que sa mère lui donna était très tendre, et quand elle s'en alla, Madame March se dit, avec un mélange de satisfaction et de regret, « Meg n'aime pas encore John, mais qui sait si elle n'apprendra pas bientôt à l'aimer. » Fin de la section 20.